Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Mets-toi de côté, que je passe devant. Pourquoi vouloir rager, frérot, mais non. Pas besoin de forcer, j'ai ma table qui m'attend. Le physio t'a dit non, autant dans 2-3 ans. Pourquoi tant de jalousie? Eh, pas la même catégorie. Eh, Ajax contre Paris. Give me all t'a dit non, autant dans 2-3 ans. Oh, t'es déjà une galère pour ta life. Oh, c'est comment? Son dance floor. Allez, on est parti pour la nouvelle saison, les amis. On est sur Radio Mix Floor, c'est le Before Dance Floor, les amis. Je suis très heureux d'ouvrir pour pour une nouvelle année, on va dire 6 ans maintenant. On est parti pour la 6ème année sur Radio Mix Floor, les amis. On est là pour le Before Dance Floor, la nouvelle émission juste avant la libre antenne qui arrive juste après quoi, 21h. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'humour, on va vous parler un petit peu de pingouin, on va faire un petit top 3 aussi sur les morts les plus stupides. Je vous assure les amis, on va passer une heure ensemble. Évidemment, vous pouvez envoyer vos dédicaces sur les réseaux sociaux. Kevin Erdich, tout de suite, Red On. Hello. It's Red One. 20h, 21h, le Before Dance Floor avec Kev sur Radio Mix Floor. Speaking, we can see eye to eye in the dark. Oh, don't you need some?

provoque des balles, car elle est dans le cœur de tout escale. De Marseille à Panam, on lui veut la pendaison comme ça. Soleil de midi, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta. C'était Alonso sur Radio Mixler, c'est Kev. Bienvenue, on est jusqu'à minuit. Allez, bienvenue, c'est Kev, merci d'être avec nous, on est dans le Before Dance Floor, l'émission 20h-21h, juste avant la Libre Antenne, je rappelle, la Libre Antenne arrive à 21h, évidemment, je serai dans les coulisses, on va regarder, vous serez un petit peu sur Facebook, je vais vous montrer un petit peu. Donc maintenant, on va vous parler du top 3 des bandes les plus stupides. Je vous l'ai dit, on va vous apprendre des choses un peu stupides dans cette émission, voilà, on va parler des morts, voilà, c'est pas rigolo, mais là, je vous assure, les amis, il y a quoi de rigoler, on va partir directement en 3ème position. Voilà, donc c'est un ami, non, c'est pas un ami, c'est Paul Stiller et sa femme. Ils sont décédés dans leur voiture avec un bâton de dynamite. Voilà, tout simplement. Merci à l'équipe d'Alex qui sont en train d'arriver dans les studios. Donc, ils sont décédés avec un bâton dynamite. Ils ont voulu tester l'expérience à 2h du matin, allumer un bâton dynamite et le jeter. Malheureusement, la fenêtre était fermée. Et j'ai envie de vous dire, c'était un petit peu la cata. En position 2, j'ai envie de vous dire deuxième position. C'est très simple en fait, nous avons un notaire, une personne de 24 ans qui a voulu montrer à ses élèves la solidité de ses fenêtres en sautant du 24e étage d'un immeuble avec le coup d'épaule. La vitre a cassé, voilà, malheureusement il est décédé devant tout le monde. Et comme on vous dit, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé les amis, ça va être garanti pour vous. Un jeune de 17 ans, vendredi soir, en sortant d'une boîte de nuit un petit peu alcoolique, s'est endormi dans un camion de poubelle, voilà. Et malheureusement, le samedi matin, les éboueurs ont décidé de prendre leur service. Et puis ce jeune homme, malheureusement, avec les cris, est déjà été broyé par le camion de poubelle. Voilà, le top 3 pour aujourd'hui des morts les plus stupides sur Radio Mixler. On est là jusqu'à 21h, après on parle de la libre antenne d'Alex. Tout de suite, un gros son que vous adorez, Bailar. Tout de suite, bienvenue. Mami, yo sé que te va a encantar, bebé, dale, vamos. Despacito, yo sé que te va a gustar, bebé, dale, más sabrosito. Oh, vamos a bailar. ¿Cómo? Tú bailas como una descarada. ¿Cómo? Eso me encanta. Delete it when I eat it. Como tú bailas como una descarada. Eso me encanta. Dale descarada. Dale, baila, que riga. ¿Cómo? Tú bailas como una descarada. Eso me encanta. Dale, descarada. Le Before Dance Floor avec Kev sur Radio Mix Floor. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue.

problèmes, je les jette par la fenêtre. Profiter de la vie sans penser à demain. Avec vous sur Radio Mixer jusqu'à 21h les amis, merci d'être en direct avec nous, on est là, c'est le Before Dance Floor, on va parler un petit peu de la libre antenne, et oui, la libre antenne d'Alex, elle revient, elle arrive, elle est juste derrière moi les amis, dans moins de 30 minutes elle débarque sur le studio de Radio Mixer, on en parle dans quelques minutes, ne bougez pas, Willy William. Sur la capitale, on était là, là, là. Quelques musiciens me donnaient la mélo. C'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante, la, la, la, la, la, la. Parce que moi, je me bats dans Paris. Je me bats dans Paris. Je me bats dans Paris. Paris, Paris. Je me bats dans Paris. Je me bats dans Paris. Je me bats dans Paris. Ram, pa, pa, pam, ram, pa, pa, pam. Radio Mix Floor, merci d'être en direct avec nous sur le Before Dance Floor. On est là jusque 21h, envoyez vos dédicaces. Là, il y a Hugo qui nous écoute. Voilà, Hugo, merci à toi. Hugo qui nous fait des compliments et qui est content du retour de cette radio, Radio Mix Floor, et qui nous écoute à Valence. Voilà, merci, il a 12 ans. Bah, gros big up à toi, il n'y a pas de soucis, Hugo, t'es bienvenue. Tout de suite, le nouveau son de Maître Gims avec Jules. Les amis, ça vous dit quelque chose? Tout de suite sur Radio Mix Floor. On est là jusque 21h, c'est Kev, merci d'être avec nous. Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs t'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, puis passe par ici. C'est plus de Nîmes, Aziz, la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimaces, les puissances. De l'envie, des ennuis, protège bien tes arrières.

sur Radio Mix Floor. On est sur le Before Dance Floor, toujours jusque 21h. Excusez-moi. Il est stressé, ça va? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Excusez-moi les amis, donc il y a Alex, donc le, voilà, le grand chef de Radio Mix Floor. Le grand chef. C'est... J'ai l'impression d'être d'une tribu indienne. On va lui balancer un pot de fleurs. Donc les amis, il y a donc deux animateurs de la Libre Antenne qui viennent d'arriver là, ça y est là. Allez, c'est ça. Alors Alex, qu'est-ce que ça donne là pour ce soir là? Bah, qu'est-ce que ça donne? Ça va être très très bien. D'ailleurs, j'ai une voix de merde, c'est normal parce que j'ai pas un micro sans fil. Je sais pas, t'as mon micro. Donc, ouais, je sais, j'ai le micro sinon, du boss, les amis. Quand je parle en vrai micro, ça donne ça, tu vois. Ça. Là, comme ça, là, on entend. On va faire un test avec les. Ouais, ça va quand même. Hein, ça va. Et moi, est-ce que ça passe? Il jette des fleurs, non, mais toi, c'est une voix de merde. Ouais, ça passe. Je rigole quand t'as une réalisation là. Bon, on s'en rejoint dans moins de 15 minutes pour le retour de la Libre Antenne. Dans 14 minutes. Ouais, oh, il chie. Et t'es prêt pour ce soir? T'es prêt pour ce soir? Bah, en même temps, si je joue pas prêt, ce serait inquiétant. T'as prévu des trucs de malade ou pas? T'as prévu des trucs de ouf? Non, moi, je vais te mettre ma bite sur ton front. Déjà, ça fait un addon. Mais ça va aller très très bien, ouais. Dans moins de 15 minutes, on démarre avec toute l'équipe. On est 9 cette année. On a toujours été 4-5, mais là, cette année, on est 9. On est tous en train de se chauffer. Non mais Quentin, s'il te plaît, on est pas dans une boîte libertine. On va balancer la pub parce qu'on va se faire engueuler par les commerciaux. On revient juste après ça, ne bougez pas les amis, ne bougez pas. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Chaque année, certains la redoutent, d'autres l'attendent avec impatience. Souvenez-vous des bienfaits de la purge. American Nightmare 3, élection. Aujourd'hui, une femme ose se dresser contre la violence aveugle. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. American Nightmare 3, élection. Il est grand temps de s'occuper de cette sénatrice. Actuellement au cinéma. Top raison numéro 1 d'être Sam ce soir. La vie de tes amis, tu sauveras. Bonjour Théo, c'est Madame Millefotte, la mère de Jean. Bonjour Madame. Je vous remercie d'avoir sauvé la vie de mon fils hier soir. Bah c'est normal Madame. Non, pas boire et ramener ses amis sains et saufs après une soirée, c'est très courageux. C'était mon job Madame. Isabelle. Ok, Isabelle, moi hier c'était Sam. Sam? Pourquoi Sam? Eh ben, on pourrait peut-être prendre un café, je vous explique, et on apprend à se connaître. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. C'est l'histoire de Luc qui, arrivé à la piscine, s'aperçoit qu'il n'a pas son maillot de bain et ses lunettes de natation. De Clara, qui n'a pas eu le temps d'acheter son bonnet de bain. Ou encore de Nathalie, qui a oublié les brassards et les couches bébé nageurs de son fils. Mais tout cela, c'était avant l'arrivée des distributeurs automatiques de natation Swind. Top Sec Equipement propose un concept exclusif, Swind, le distributeur automatique d'articles de natation de qualité à prix très attractif, disponible dans toutes les piscines de France. Youhou ! Info sur la page Facebook Top Sec Équipement. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Mustafa.